Consultez premieracte.ca. Une collaboration de la Caisse Desjardins de Québec et Vénus à vélo. Les trafiquants d'art, c'est plus qu'une galerie d'œuvres d'artistes locaux. C'est aussi et surtout la destination pour vos projets d'encadrement sur mesure, de numérisation d'œuvres et d'impression haut de gamme. Le tout sous un même toit et à prix compétitif. Les trafiquants d'art. 975 A, 3e Avenue, Limoilou. Traficandart.com. Bonsoir tout le monde, amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous êtes avec France et Jean-François. Bonsoir France. Bonsoir Jean-François. Bien, c'est une fois n'est pas coutume, Bruno n'est pas avec nous ce soir. Depuis une quinzaine d'années que je fais de la radio avec Bruno, ça se compte quasiment sur les doigts d'une seule main. Mais on va quand même faire ça d'une main de maître. Et bien, on a quand même beaucoup de bonne musique. Il a le droit d'aller voir des spectacles. Ben oui. Ben oui. Il n'est pas attaché. On ne l'attache pas. Non, il est à 10 Projects puis à Ritson ce soir. Oui, on l'aime bien, mais on ne l'attache pas. Ben oui. Et bien, ce soir, comme je disais la semaine dernière, sera question du dernier numéro de Progressiste. On retrouve là-dedans, dans le Classic Rock, il y a toujours une section comme ça, là, des artistes sans être purement prog, là, ont connu quand même une carrière là, intéressante, là, même en dehors de la pop. Dans ce cas-ci, c'est Joe Jackson. Il y a aussi le Collector, un gros coffret de Marillion, de Clutching at Straw. Un disque important parce que c'est le dernier avec Fish, puis on dit qu'on retrouve même sur ce disque-là des ébauches qui ont servi au suivant, le premier avec Steve Hogart et aussi Vigil in the Wilderness of Mirror de Fish. Mais on a aussi d'autres choses, on a le nouveau clip Sidra, enfin arrivé. Ah oui, c'est fait attendre celui-là. Fait qu'on va attendre une pièce, la pièce Millennium. Et dans l'autre pièce, ça va être le groupe Varket Young Hagen. Oui, c'est un groupe du Danemark. On avait mis une pièce avant. C'est un sextet qui est formé en 2014. Et leur patronyme veut dire travail. Et selon Progressiste, ben c'est du prog des années 70. Donc, on y va tout de suite avec une pièce de Clepsydra. Thank you. days were so great. A promise for a new world, a promise for a better place. A promise for a better peace. I thought of a new star, it's another part. Thousand again, I grew up so late. The time was so great. A promise for a new world, for a new world. Sometimes you lose your home, you find it your present. Birds pick up your tears from the ground. You are walking barefoot. Somewhere it hurts, it's only your brain. Somewhere it hurts, but it's only your brain. And the millennium has just begun. All the people suffered again. Somewhere it hurts, but you can't find the spot. Why are the notes always so bored? Why are the notes still the same? Why aren't they tame, you know? I see. Thank you. 89.1. Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted. Et Song We First. And take great care to not take care. Slipknot, We Are Not Your Kind. Disponible partout. Production J'aime présente le dimanche 6 octobre Eddie Roy des Bel Air, Simon Brouillard des Lutins et le groupe Peter Gunn. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Venez revivre la chanson populaire du Québec des années 60, 70 et 80 à la Chapelle Spectacle. Le soir par la même, je refais le même chemin. Eddie Roy, Simon Brouillard et le groupe Peter Gunn à la Chapelle Spectacle, 620 Avenue Plante, le 6 octobre à 14h. Informations sur lachapellespectacle.com ou au 418-681-6032. Présenté par les productions J'aime. En octobre, le cinéma Le Clap Sainte-Foy et Loretteville présente Joker dès le 4 octobre, Mathias et Maxime dès le 9, La famille Adams dès le 11, Zombieland 2 dès le 18 octobre et Des fleurs oubliées dès le 25. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Bonjour! Rebonsoir. Dans ce bloc, vous avez attendu la dernière pièce qui s'intitule Young Again et c'est le titre de l'album. Fait que c'est le groupe Varquette et la première pièce c'était Millennium de l'album The Gap de Clepsydra. Vous allez entendre dans un deuxième bloc. Ah ben pas tout de suite. On a un petit peu de jasage à faire. Oui. Entre autres que Varquette, ben c'est une gracieuseté de progressiste. On trouve ça sur le CD Sampler, numéro 97. Très important. Et, oui? Non, c'est correct. T'as pas des petits concerts à nous plugger, là? Oui. On va plugger les petits concerts. Ben, ce soir, c'était DJ Project avec Red Sense. Ensuite, le 26 octobre, c'est au CGI. Excuse, c'était pas D-Project? D-Project, c'est ça que j'ai dit. Ah, j'ai cru comprendre G-G-Project. Non. OK, parfait. Le 26 octobre, au Cégep Garneau, c'est Brand X. Le 1er novembre, au Grand Théâtre Kansas. Le 10 novembre, Mystery. Le 23 novembre, Huys, à la scène Le Bourgneuf. Ensuite, le 26 novembre au Palais Montcalm, c'est The Pineapple Thief avec Gavin Harrison. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de billets. Pour Mystery non plus, je pense qu'il en reste pas. Non, il en restait 4. Faut que ça soit sold out comme à Montréal. Ah ben oui. Ben oui. Ensuite, le 8 février, c'est le groupe Kings période Steve Hogarth, puis le groupe Script période Fish au Théâtre de la Cité universitaire, et de Flower King, le 3 avril, à l'Auditorium des Jardins de la Polyvalente de Charlebourg. Et c'est tout pour l'instant. Oui, et pour ce deuxième bloc, ben on va entendre du... Opeth. Ben oui, Opeth, avec un nouveau disque qui est bilingue. Ben oui, en suédois et en anglais. Dans sa version officielle, c'est en suédois, mais Michael Åkerfeldt a eu peur un petit peu que les gens n'apprécient pas. Donc, il a offert, avec le disque qui se vend le prix d'un simple, il a offert la même chose, mais en anglais. Et ben, faut dire qu'ils ont été obligés de réajuster un petit peu. Là, c'est pas juste une traduction, là, c'est une adaptation, donc il n'y a pas nécessairement toujours le même temps. Ensuite, Seth Lemelin. Qui est en nomination à la disque. À la disque, ben oui. C'est très important. Et de même que son ami et collègue Alex Henry Foster. C'est ça. Dans le cas de Seth Lemelin, c'est dans album de l'année instrumentale, Alex Henry Foster, c'est album de l'année anglophone. Anglophone. Ensuite, Celestie. Celestie, oui. Et pour terminer, ça va être Claypool Lennon Delirium. Donc, on y va en musique avec Opeth. Opeth. Thank you.

À travers tout le pays, mais de façon particulière pour la province de Québec et pour la région de Québec, on aura des gens avec qui discuter. Sur le terrain, d'anciens conseillers politiques, d'anciens députés. C'est un plaisir de vous y retrouver le 21 octobre, 19h30. L'octet Bellflower est de retour avec un troisième album titré Upside Down, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ne manquez pas leur spectacle de lancement le 12 octobre au Théâtre Petit Champlain. Billets en vente sur themusicofbellflower.com. Venez profiter de notre promotion au magasin Surplus Québec durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Venez tirer votre rabais à la caisse. Des rabais instantanés variant de 10 à 50% en magasin seulement, du vendredi 11 octobre au lundi 14 octobre 2019. Si vous avez besoin d'ameublement de bureau, mobilier de maison, accessoires de cuisine, de décoration, venez nous visiter. En plus, tous les profits sont versés à la Fondation des sourds du Québec qui vient en aide à des milliers de personnes sourdes à travers le Québec. Magasin Surplus Québec, 400 rue des Rocheuses. Oui? Oui? Il y a quelqu'un? C'est rare. Fais-moi pas rire. Nos petits amis sont revenus. Oui, c'est ça. Ils sont là dans le studio, mais ils se sont poussés. Mais inquiétez-vous pas, ils vont être là tantôt. La dernière pièce que vous avez entendue, c'est Blood and Rockets Movement de l'album South of Reality de Claypool Lennon Delirium. Ça sonne beaucoup les Beatles. Ensuite, Celeste. Oui. De l'album Il Riverclo del Principe. Mon italien n'est pas vraiment bon. Vous avez entendu la pièce Statue di Sale. Ensuite, de l'album Déconstruction, la pièce Quantum de Seth Lemelin. Et la première pièce que vous avez entendue en suédois, Sweetsprint, de l'album Inconda Venenum de Opeth. Opeth fait une tournée en 2020, mais c'est pas Québec. Ils vont à Montréal et dans les alentours. Ben oui, malheureusement, ça aurait été un bon spectacle. Nous autres, on les a vus deux fois, si je me souviens bien. Oui. Seulement deux fois. Hein? Une fois à Montréal au Medley, puis l'autre fois en Angleterre. En Angleterre, ouais. C'est ça. Ben, faut dire que j'ai vu un petit peu sur Internet, il y en a qui disaient qu'ils avaient peur un peu d'Opeth et ils disaient moi, le chant, le groll. Mais ils n'en feront plus de groll, c'est terminé ça. Puis Michael Akerfeld, il a dit qu'il n'en ferait plus. Sauf que dans l'entrevue, dans une entrevue que j'ai vue récemment, ben, on dit que pendant les spectacles, ça, il n'y a pas le choix d'en faire parce que le public réclame ça. Bon, ça c'est correct, mais sur disque, il n'y en a pas. Fait que ceux qui ont peur de ça. Puis, bon, cette pièce-là était peut-être un petit peu violente, là, mais c'est assez conforme à ce qui se fait, là, depuis 3-4 albums. Là. Donc, c'est un très bon disque. Je n'ai pas écouté encore la version anglaise. Il faut dire que ça fait pas longtemps que c'est sorti. Hein, ça fait à peine une semaine. Oui. Mm-hmm. Et comme je disais, une version anglaise, une version suédoise, et les puristes vont préférer la version originale en suédois. Oui. On y va pour le tour. Il faut dire aussi que Célesté, c'était une gracieuseté aussi de progressiste. Là. C'est dans les CD samples. Et il y a aussi un bel article sur de Claypool Lennon Delirium. Ils se demandent comment ça se fait qu'il était passé à côté de ça. Là. Puis ils font une petite rétrospective là, de tout ça. Puis une très bonne critique. Et toujours dans ce même numéro, il y a... ça, on y reviendra plus tard. Fait que là, c'est quoi qu'on va écouter? On va écouter Cyrus B. Ouais. Ensuite, j'ai de la misère à le prononcer. Machina Pneumatica. Ah oui, la machine pneumatique. Machine pneumatique. Ça aurait été mieux en français. Puis de Gödel Gotex. Bon, fait qu'on pour commence le troisième ça. Bloc. Je te ça. Je as life just fades away through the rear window. A blossom in the wind, a brush across my skin, and soft the spark that follows. A story inside unbound, a creation of sight and sound, sky and ground. New places beckon so wild and free. a brush across the head to sharing in this land to build the world. Fit on me, it's the outdoor. lobbies are frequented. Cuatro.

Un groupe de Belgique. Hein? Un peu spécial. Hein? C'est ça, oui. C'est presque de l'industrie du... Quoi, techno-industriel? Ben, ici, on dit, parce que c'est sur le sampler de Progressist, là, puis on dit jazz rock électro. L'album s'appelle Oak, d'ailleurs, comme ça nous est familier comme nom. Oui. Mais il y a des membres originaires de Wrong Project, Object, on va avoir un extrait plus loin, l'Univers Zéro, puis c'est des adeptes de Canterbury, même si ça paraît pas trop là-dessus. Non, fait que c'est pas sur cette pièce-là, en tout cas. La première pièce que vous avez entendue, c'est A Blossom of Ill Sirius B, de l'album The Art of Vanishing, de Sirius B. Ah oui, l'art de disparaître. Ouais. Je sais pas si c'est un message qu'il nous envoie. Pourtant, moi, je considère ça comme un de leurs meilleurs. Oui, il est vraiment bon. Hein? Ouais, ouais. J'espère qu'ils ne disparaîtront pas. Ensuite, du groupe Machina Pneumatica, c'est la pièce Sopravvino per me, de l'album Riffless y Macheri. C'est un bel essai, parce que c'est pas facile, ces noms-là. Hein? Moi, souvent, je m'essaye même pas. Je dis, je réfère à... Oui, c'est ça. Allez faire un tour sur notre site web www.terraincognita.québec dans la section radio. Vous pouvez faire les recherches, même accéder à nos podcasts. Ben oui. Ben oui, parce que si vous en avez manqué un bout, ça vous tente de réentendre, parce que c'est pas de la musique toujours facilement accessible. Non, comme on avait Varquette un petit peu plus tôt. Là. Moi, à première écoute, c'était mitigé, mais là, j'adore ça maintenant. Mm-hmm. Là, c'est très bon. Dernier bloc musical maintenant? Dernier bloc, on va entendre All Traps on Art, The Wrong Object et Kansas. Ben justement, il y a une très belle entrevue avec Johan Brand et sa fille Miranda. Ça, c'est pour All Traps on Earth, oui, c'est ça. Exactement. Des musiciens d'Anglagarde. Dans le numéro 97 là, de Progressist. Là, puis on apprend entre autres que ça faisait 5 ans que c'était en gestation, cet album-là. Mais que là, il y avait encore des idées qui n'avaient pas été exploitées parce qu'il n'était pas là. Fait qu'il dit, bon, ça va sortir dans un an ou dans 5 ans, il ne sait pas. Il va prendre le temps que ça va prendre. Il va avoir un autre album. Là. Ben exactement. Puis lui, il veut attendre que le résultat le satisfasse là, à 100%. Ben, il dit même à 200%. Là, mais, ouais, ouais, ouais. Mais, la pièce The Wrong Objects, là, c'est-tu une des pièces qui paraît sur une des compilations aussi? Oui, ou... c'est sur le dernier sampler là, de Progressist. Oui, j'ai trouvé. Ouais, c'est une de mes pièces préférées là, de, ouais, bonne de ces samplers-là. Donc, on y va en musique avec All Traps on Earth. Oh, Eh bien, bonjour, bonsoir et bonne nuit, ça s'en vient. Vous venez d'entendre la pièce « Many Lives » de l'album « Into the Earth, the One Object ». Et la première pièce, c'était « Omen, a Trap of Light, the All Traps on Earth ». Et ces deux pièces qu'on retrouve sur le sampler du magazine Prog Resist numéro 97. Et c'est déjà presque tout pour nous. Mais dans un mois, ce sera Kansas. Ben oui, Kansas à Québec, pour une des premières fois, je pense. Ben, à ma connaissance, c'est la première fois, il y a eu une fois où il était en première partie de Styx et ça remonte à plus de 20 ans. Ça fait un bon moment. On avait manqué parce qu'on devait avoir d'autres choses qui ont été cancellées. Là. Mais c'était juste une première partie à ce moment-là. Là, ça va être un show complet. J'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr qu'il manque un des musiciens aussi principaux. Là, mais... ben oui, c'est un rêve qui se réalise. Oui, hein? C'est un de mes rêves. ben, on va terminer avec quelle pièce, non? La pièce The Wall. Wow. De l'album Left Overture. True Live et Beyond. OK, live. Donc, okay. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Vincent Delisle.